C'est Pyongyang Sea Rockers qui recommence pour sa 395e édition ce soir avec uniquement deux grands leaders pour l'instant. Il y a un troisième qui devrait arriver, peut-être même un quatrième. Mais pour l'instant, il n'y a que Mézig Stéphane qui vous salue. Et puis Manu, toujours là, fidèle au poste. Il dit rien, mais il n'en pense pas moins et il surveille tout. Ça va ? Ça va, ça va. Bah voilà, il l'a dit. Je commence tout de suite avec un truc que j'avais promis de repasser depuis des temps immémoriaux. C'est Revulsion, avec lequel j'avais conclu une émission il y a facilement 4-5 mois, peut-être même 6. Revulsion, donc fallait que je le repasse en entier quand même. Hein. Ça date de 85, c'était en plein dans l'époque anarcho-punk, anti-vivisection, unsaboteurs et tout ça. Donc là, bah, c'était un truc anti-vivisection que je vous passe maintenant. Living Hell par Revulsion. You can fool the public with your lies. The name of science, what a fucking con. You can't fool me, I know what's going on. Murder is murder, life is life. Ça passe bien pour un truc qui date d'il y a 40 ans, quand même. Faut le faire, hein, chez les Anglais. Hein. Petit tour à Copenhague maintenant avec Pleaser. C'est un groupe qui se réclame, disent-ils, du punk au sens strict comme au sens large. Allez savoir ce que ça signifie. Du coup, ça se dit dark, cute and cool. Leur album, là, je crois que c'est leur deuxième, est sorti fin mai. On devrait les voir d'ici la rentrée dans le secteur, plutôt en Belgique. Et donc, voici Pleaser avec My Fantasy. Ça va, on sait. C'était quoi ça? C'était Pleaser maintenant. Première annonce de concert, c'est demain soir au BNR, le fameux bout de nos rêves, déjà 5 ans d'âge. Ça sera une soirée We Are Not Worthy. Il y aura Perpetual, les grindcoreux de Malaisie. Il y aura aussi deux groupes du coin, Insane Order et Weird Wound. Donc ça sera vraiment très grind et death. Ah, bon, donc je préfère le passer maintenant que Gaël n'est pas là, parce qu'après ça, je vais lui casser les oreilles. Voici donc deux petits titres enchaînés de Perpetual, donc qui viennent du nord de Bornéo, qui fait partie de la Malaisie, vous voyez, mais bon, enfin bref. Ils font du grind à l'ancienne, ça c'est ce qu'ils disent. Vous allez pouvoir le déguster dès maintenant, avec deux titres. Premièrement, Bloody Leaders, apparemment ils s'adressent aux chefs de leur pays. La Malaisie, hein. Malaisie, c'est un pays un peu particulier. Hein. Il y a des petits côtés démocratiques, enfin, on va dire, mais en même temps, ça fait quasiment depuis l'indépendance de la Malaisie, 1957, qu'ils sont sans interruption en état d'urgence. Bon, vous allez me dire, en France, c'est pareil, hein, il y a le Vigipirate depuis 30 ans. Hein, donc voilà, allez savoir. C'est aussi un pays où, paraît-il, il est assez facile de disparaître si on ne plaît pas aux gens qui sont au pouvoir. Voici Bloody Leaders de Perpetual, suivi d'un truc dans la langue locale, Pai Ulung Salapai. Voici Perpetual. C'est déjà fini, donc oh, pff, c'est fou. Oui, vous avez entendu là le petit truc qu'il y avait au début du deuxième titre. Je sais absolument pas de quoi il parle, mais en tout cas, vous entendez que c'est censuré. Apparemment, le titre, si j'ai bien compris de quoi il s'agit, ça parle d'une tentative de coup d'État qui a eu lieu, non pas en Malaisie en entier, mais dans la Malaisie, c'est une fédération, et donc c'est plusieurs États qui sont fédérés. Et dans leur État, là, qui s'appelle le Sabah, S-A-B-A-H, il y aurait eu en 2023 une tentative de coup d'État qui n'a pas marché. Et donc, bon, voilà, et enfin, c'est bizarre. Un jour, peut-être, il y aura un coup d'État en Nord-Pas-de-Calais, enfin, dans les Hauts-de-France. Allez savoir. Totalement rien à voir, ils viennent de Gand, il s'agit de critiques qu'on a déjà pu voir récemment, à plusieurs reprises, deux fois au moins, au CCL, à Lille. Critique, c'est du hardcore vraiment à l'ancienne. Je ne vous en parle pas plus que ça, et je vous passe tout de suite le titre Prison Bars sur leur album qui est sorti pas longtemps, là, il y a un mois. ça fait plaisir à entendre et puis à voir aussi. Franchement, ils sont très bons, hein, les gens de critique. Je vous les recommande. Ils passeront dans pas longtemps au Pits. Ce sera quand? Le 15 juillet. Ils seront avec les Brésiliens de Audio Social, aussi du bon. Là, faut y aller, quoi. Moi, je vous le dis. Hein. Ce sera, je pense, 10 balles l'entrée. Donc, 15 juillet prochain, critique plus Audio Social au Pits. Puisque j'en suis là, ben, je continue mes pubs pour les concerts. Voici deux titres de deux groupes qui vont passer ce vendredi au Centre Culturel Libertaire à Lille. Il y aura donc la release partie de l'album de Gutter. Il y aura avec eux pour les accompagner, il y aura les Parisiens de Turquoise, les Grenoblois de Mixion et les Lillois de Mere Mortals qui commencent vraiment à être abonnés. Hein. C'est un groupe résident maintenant du CCL. Mais ça va, c'est bien. Donc ils peuvent jouer autant qu'ils veulent. Non. Ça sera vendredi à partir de 20h au CCL 4 rue de Colmar. Prix libre comme d'habitude. Superbe affiche signée Barreto. Et puis bah, je vous passe dès maintenant un titre de Gutter, un titre de Turquoise. Premièrement, Gutter c'est Stranded. Et puis deuxièmement, Turquoise c'est Fosse Commune. Fade Out aussi, hein. C'est du 10 bits, mais n'empêche, c'était Turquoise à l'instant avec Fosse Commune, il est 20h20 à l'antenne de Radio Campus en 6,6, DAB+, Canal 7C, et ouais, campuslille.com, vous écoutez Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 395. Pour vous servir, on va se calmer un petit peu avec un peu de sludge belge, le groupe s'appelle Kreng, K-R-A-E-N-G, et puis tout ce que je sais, c'est qu'ils viennent de Alst, le truc qu'on va écouter maintenant, c'est sorti vers le mois d'avril 2025. Bah, c'est d'ailleurs le titre éponyme. Kreng. J'ai failli me faire avoir. J'étais en train de m'endormir. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Vous écoutez Pyongyang City Rockers. Il est 20h25. Toujours pas de Gaël à l'horizon. Mais où es-tu, mon cher? Puisque c'est comme ça, nous allons partir directement à Toulouse. C'est un groupe qui est passé dans le coin il y a quelques temps. Maintenant, un temps certain. C'est du Sci-Fi Dance Punk qui disent sa cause dans le premier titre que je vais passer de Néonaz. Et dans le deuxième titre, ce dont les dix Néonaz ont besoin pour prospérer, des complots, surtout des faux, surtout des inventions totalement crétines. Par exemple, les vaccins au Bluetooth, les avions épandeurs de poison, le grand remplacement par des étrangers 20 ou 30 fois moins nombreux. C'est très con, c'est normal, c'est la culture mainstream. Voici Space Bucket avec premièrement Néonaz et deuxièmement complot avec un K comme Yukun Kun. Yeah. my doorstep. I'm hiding Elvis in my fortress. My microwaves are everywhere. Radiating the world. C'était quoi cette affaire? Eh ben, c'était Jodie Foster avec Sorga, juste avant Space Bucket, Néonaz et Complot, deux titres enchaînés, ça fait trois titres enchaînés en tout, alors qu'il est 20h30 à l'antenne de Radio Campus, c'est Pyongyang City Rockers numéro 395, on a perdu notre Gaël, rendez-le-nous-le, ouais, il va arriver, très certainement, allez, on va dire à 20h55, juste pour passer un titre. Pour l'instant, ce que je vous envoie, c'est encore un truc qui va passer ce week-end, ils vont passer où? Ça y est, je ne retrouve plus mes notes, c'est un peu le bordel. Oui, c'est un groupe vietnamien qui va passer dans la pléthorique programmation du Hyperfest qui a lieu vendredi, samedi, dimanche à Ypres. Comme tout le monde le sait, c'est District 105, ce groupe en question, qui vient de Saïgon et qui seront donc là parmi tous les autres du coin. Quoi. C'est tout, ils passeront dimanche, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Essayez de vous trouver une place, pas trop cher. C'est 65 balles, je crois, cette année pour une journée. Et 120 et des poussières pour 3 jours. Voici donc District 105 qui vont jouer dimanche au Hyperfest. On les écoute ici avec un live fait au festival Enter the Dragon 2024 à Saigon. Et le titre, c'est Not Worth Saving. D'ailleurs, il va le dire lui-même, alors c'est bon. Hein. Not Worth Saving. Never worry, boy, make it play. People are down in suffering, so Ouais, on en prend plein la gueule des fois. Hein. C'était Ras Michael and the Sons of Negus. Ça date de les années 80, je crois. Sufferation, c'est le petit reggae de fin, mais qui passe avant la fin, parce que là, quand même, j'ai un petit problème de playlist. Hein, mais c'est pas grave, on va y arriver. Rien à dire sur le groupe qui arrive. Il s'appelle Richard Richard. Ils viennent de quelque part en Belgique. Et on va pouvoir maintenant les écouter avec Thousand Islands. C'était le premier titre, le titre d'intro de la semaine dernière, Do It, la semaine dernière, c'était par Rollins Band. Voici la version originale par les Pink Fairies, groupe anglais du début des années 70. Je crois que ce titre-là est sorti en 71. Souvent, on nous le présente un peu partout comme du proto-punk. 71, quand même, excusez du peu, c'est plus de 5 ans avant les débuts réels de la vague punk, en tout cas en Grande-Bretagne. Voilà, on va pouvoir écouter ça maintenant. Pink Fairies avec Do It. Don't think about it. Well, all you gotta do is do it. to stay just friends. So that's the way it is. Voilà, on me réclamait de la pop là dans le hall, donc je vous balance un petit truc power pop, la vraie musique de mode 79 de Lambretas. On était encore en Grande-Bretagne et c'était Dance. Je reste en Angleterre pour parler d'un groupe qui, au début en 77, c'était des punks. Le groupe s'appelait les Lépreux, The Lepers, rien à voir avec Julien. Vers 79-80, c'est la Cold Wave et Joy Division qui tiennent le haut du pavé, alors ils sont devenus Modern English. Ça présentait quand même mieux, ça faisait plus intellectuel, torturé, mais pas trop. En effet, on n'a pas forcément toujours envie de se pendre dans sa cuisine. Premier album vers 81, puis deuxième album titré After the Snow, en plein virage New Wave Synth Pop, jusqu'à aujourd'hui. En 2025, ils se reforment de temps à autre pour jouer à des prix d'entrée prohibitifs dans des black labs locaux de la planète, devant des publics aux cheveux de plus en plus gris et clairsemés. Les voici donc, Modern English, qui se lamente face au temps qui passe, charriant inexorablement dans ses eaux tumultueuses les espoirs, les promesses, les amitiés et les amours. On est ici dans l'atmosphère des plus primes sautières du début des années 80 en Grande-Bretagne. Voici Modern English avec Life in the Glad House. We'll be right back. on est des vrais idoles planqués au fond d'un sous-sol. C'est Identité, là, que vous entendez en fond sonore, sous-sol. C'est la fin de Pyongyang City Rockers, alors que Schnapps n'arrête pas d'envoyer des messages absolument... Mais c'est pas possible, hein, faut que tu arrêtes. Hein. Et puis, c'est la fin de ce numéro 395. On espère que notre Gaël Ounet va bientôt arriver, ou alors qu'il est retourné à bon port, à Sbarak. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 396 de Pyongyang City Rockers. En attendant, n'oubliez pas d'écouter Radio Campus. Dans quelques minutes, c'est Teeth Grinder. À 22h, ce sera B-Boy Bouillabaisse. Et puis, sinon, il y a plein d'émissions là, pendant les vacances et tout ça, parce que nous, on n'arrête pas. C'était Pyongyang City Rockers, et puis on vous dit au revoir, et on n'oublie pas... Macabre.